Plus près de la fenêtre, une petite table de bois vermoulu et un large fauteuil de noyer adossé de planches étaient évidemment le siège et la table de travail du philosophe. « Voilà, me dit-il, le secret de ma solitude et de mon bonheur. J'ai connu le monde, je l'ai jugé, je l'ai fui. Mais comme l'homme est un être instinctivement sociable, j'ai trouvé dans cette maison, dans l'amitié de ses deux sœurs aussi sauvages que moi, une société pour mon cœur. Et je trouve dans ses livres, rapportés de mes voyages, et jetés pêle-mêle à mes pieds, une société pour mon esprit. Cette société me suffit. Je n'en regrette ni n'en désire point d'autre. Je n'ai pas même voulu classer ou ranger ces volumes. Le peu de temps que j'ai à vivre ne vaut pas cette peine. Je vis au milieu d'eux, comme au milieu d'une foule qu'on traverse sans s'y attacher à personne. J'aime mieux me fier au hasard qu'au choix. Je remue cette litière de livres, j'étends la main, et sur quelques volumes que je tombe, mon esprit noue conversation avec un esprit. Quand il m'a tout dit, je passe à un autre. Quel vivant vaudrait pour moi ces morts ressuscités dans ce qu'ils ont eu de mieux sur la terre, leurs pensées? Je suis le fossoyeur des idées humaines, qui en exhume une pour faire place à une autre, et je trouve plus de vie ainsi sous la terre qu'il n'y en a dessus.